Kemal, comment à la jeunesse sous pression. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à tous les semaines à partir de souspressionpunk.com et qui est enregistré à Ottawa, territoire algonquin. Moi c'est Mathieu, je vais faire jouer du punk, du Sky Hardcore tout en français pendant une heure. J'ai une bonne émission pour vous cette semaine. On va commencer avec du ABBA, de leur démo, je ne me rappelle plus en quelle année que c'est sorti, mais je vais faire jouer le morceau No Border et c'est ça. Je vais arrêter de parler et on se lance direct en musique. Alors voici du ABBA à sous pression. We'll be right back. face avant ma bouche avant mes seins avant mon corps avant. Attention, attention, mesdames et messieurs, aujourd'hui toute la marchandise est à 50%. Oui! Ma taille à vendre, mes jambes à vendre, mon vagin à vendre, mon cul. Vente de garage, mon badge for free. Tu me rentres dedans, tu m'arraches mes fichiers de slot gratuit qui suce, piqué à balle. Ding dong, tu prends pour une conne, bam bam sur mon corps. Fais-moi du cachet boule, la cinza for free. You porn for free. Toutes les chicks qui te regardent parce qu'ils veulent no one. Y'a des filles qui se combattent parce qu'ils disent non. Tout est pris pour acquis. J'suis censé dire oui, tu me craches dessus. Aval, aval, la marde, la shit, la marde. Souille-moi, salis-moi, I'm a whore, whore, whore. When I was a teenager, I used to suck for free. Now I bite for free. Bitch, better have my money. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le dernier bloc avec du ABBA, pas le groupe de pop des années 70, mais du ABBA, groupe un peu hardcore. C'était le morceau No Border de leur démo, après ça du Litige, de leur album Fuite en avant, le morceau Sur les toits, La bagarre après ça avec Je peux pas dormir, Les erreurs avec Beaux animaux, Carapace après ça avec de leur album Vert de gris, le morceau L'essence. Et on vient tout juste d'écouter du Charogne de leur album Mange-moi, le morceau À vendre, un groupe de Montréal qui se décrit comme un du grunge rock alternatif féministe. Vraiment bon album. C'est en fait, je pense, la première fois que j'ai fait passer du Charogne en ondes et aucun regret, là, c'est vraiment bon. On va continuer avec La Crève de leur album éponyme, faire jouer le morceau Les vacances. Alors voici La Crève à Sous Pression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous-Pression. On vient d'écouter du Pogo Marteau de leur album Nos Désirs Font Désordre. C'était la chanson, le titre du même titre. Nos Désirs Font Désordre. La fraction avança avec Marchand de Peur de leur album La Vie Rêvée. Puis t'as Vélo avec Cornflakes et on a commencé avec La Crève et leur morceau Les Vacances. Alors là, on est rendu à mi-chemin. Je vous rappelle, comme à tous les semaines, que si vous écoutez à la radio à Ottawa, au CHU 89,1 FM, ou à Yellowknife, ou CVR 103,5 FM, que vous pouvez aussi écouter l'émission à partir du site web souspressionpunk.com. Et bien sûr, si vous écoutez à partir du site web, ben, je vous remercie, et ça, c'est un peu inutile de vous rappeler de l'existence du site web, parce que vous êtes déjà là. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Allez checker ça, vous savez comment ça marche, je suis certain de ça. Sinon, envoyez-moi un message, info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com, c'est info@commercialsouspressionpunk.com, musique, demande spéciale, commentaire, je sais pas n'importe quoi, envoyez-moi de quoi. C'est toujours le fun de communiquer avec du monde. Et c'est ça, alors on va continuer avec le bloc sono mondial, moment où à chaque semaine on sort un peu de la francophonie, on va aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Là. On va faire jouer cette semaine un groupe du Mexique, After Bolt E-Bike, le morceau A las Armas et El Mito del Buen Hombre Blanco. C'est deux chansons tirées de leur démo sortie cette année, alors voici du After Bolt E-Bike du Mexique. We'll be right back. c'était Afterboat E-Bike avec Alas Armas et El Mito del Buen Nombre Blanco. On continue avec du Mayday à Sous Pression. jamais iront voir. Pourquoi? Parce que selon vient de là, on n'arrêtera pas le combat. Nos cœurs vont dans les réserves, là on lève, se lève. Le peuple refuse de marcher au pas. À Oshaga, les peuples sont froids mais pas les bourgeois. À Oshaga, les gens sont chauds mais quand il fait froid. À Oshaga, la cavale est libre. À Oshaga, libre. À Oshaga, allonge les billets. Yeah.

salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, mais malheureusement le temps ensemble est pas mal terminé là. Mais avant de vous laisser, je vais vous faire jouer un dernier morceau, et avant ça, on va faire un retour sur ce qu'on vient d'écouter dans le dernier bloc. On a commencé avec du Mayday, de leur album Comme une bombe, le morceau Ta vie, La Cavale après ça avec le morceau Hochelaga tiré de leur EP Pour le meilleur et pour le punk. Les Parias avec Foutu Merdier, tiré de leur EP du même nom. Les Bonariens avec Graines d'Ortie, de leur album québéco, punk québéco Joual. Je pense que c'est sorti en 91, ça, cet album-là. Les Ordures Organiques avec La Saga des Ordures, de l'album Je m'en viens sous. Et on vient d'écouter du scrap de l'album Grand Talent, Pas d'adon, pas en tout. C'était le morceau C'est ça qui est ça. On va se laisser avec Les Partisans, de leur album Sono Mondial. Je vous fais jouer le morceau Radio Rebelle. Et c'est ça pour l'émission cette semaine. Alors, merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Et entre-temps, prenez soin de vous et passez une excellente semaine. Bye. Bien sûr, ça fait longtemps que le soleil est couché. Quand on sort, toi et moi, se mêler aux passants. 8 heures de notre vie, c'est ce qu'on nous a volé. Mais il nous en reste encore, on va pas les laisser filer. La rue nous appartient, la ville nous tend les bras. Ce soir on fera comme si la nuit ne finissait pas. Et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule, on danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Rien n'est jamais pareil, tu sais, dans l'obscurité, tout se confond et tout se mêle. On peut se laisser aller. On s'invente un futur, on oublie le passé. Cette fois encore, on en est sûr, pour nous, tout va changer. Et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule, on danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Tous ces mensonges et tous ces rêves, tu les connais tout comme moi. Tous ces mensonges et tous ces rêves, si tu y crois, je crois en toi. Dans notre sang, la même sève, le même espoir, qu'un jour viendra. Au signal de Radio Rebelle, à la son du ciel on ira.